Le miroir. Le miroir est un animal vivant dans les glaces. Animal unique, il n'a pas même un congénère pour lui donner une image qui lui ressemblerait. Dans la grande froideur qu'il occupe, il chasse la moindre miette de réalité pour se nourrir. Sa digestion se fait essentiellement la nuit ou couché. Quelques étoiles s'amusent à patiner sur son pelage trop lisse. Mais réfléchir sur sa condition serait un suicide. Alors, pour notre simple bonheur, nous retournerons comme une crêpe, avec l'espoir d'attraper le cœur de la terre, blotti au fond d'un reflet sans âge, qu'il conviendra comme il se doit de découper avec le diamant du temps. Pays des sables, contrariés par un grain qui n'est pas des leurs. Pays pendu à l'échelle de la terre. Pays de lignes d'horizon dans la main quand elles s'envolent. Pays du courage sous la rosée poudreuse. Pays de l'éclair effacé par la sieste. Pays d'un nouveau silence cloué par tous les silences. Pays où les armures sont trop étroites pour les hommes blessés. Pays des tempêtes, de la pierre et du secret, de leur lenteur.